aimez-vous le 7 octobre 2024? Ben, lui, il m'a dit que si vous étiez membre de CKRL, il vous adore. Si vous ne l'êtes pas, il n'est pas trop tard. Non. Demain, ben, pour ne pas dire dans quelques heures, là, à l'ouverture, 8h30-9h, appelez au 640-25-75, 640-25-75, 418, bien sûr, c'est vrai, 418, 640-25-75, et devenez membre pour 25$ et vous allez encourager une radio exceptionnelle, et comme ça, tout le mois d'octobre, vous sourira de ces belles dents. Vous saviez pas que le mois d'octobre avait des dents? Le mort aux dents. Ah oui. Puis avec ça, là, ils font des sourires extraordinaires tous les jours du mois d'octobre, mais surtout le 7 et le 14. Pourquoi? Ben, parce que c'est mon émission. Oh, c'est bon. Aujourd'hui, le lundi 7 octobre 2024, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mes amis, c'est CKRLiens, c'est CKRLiennes et les autres. Pourquoi pas? Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Et on y va en avant la musique. Wow, ça part fort en ce 7 octobre 2024. Thank you.